Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nous allons voir la différence entre le jugement de mécréants sur terre et le statut de mécréant. De nombreuses personnes qui, ne savant pas faire la différence entre le jugement de mécréant sur terre et le statut de mécréant, apportent des fatwas pour essayer de faire croire que tel ou tel servant n'excommunie pas celui qui commet du shirk par ignorance. Nous allons donc tenter, Inch'Allah, de vous expliquer la différence entre juger une personne mécréante ici-bas et lui donner le statut de mécréant. Toute personne qui commet un acte d'association sort inévitablement de l'islam, même si elle ne sait pas que c'est de l'association. De ce fait, il ne peut plus être appelé musulman, monothéiste, mais il sera donc appelé associateur, polythéiste, mécréant. En effet, tout associateur est mécréant, car il n'y a pas de situation intermédiaire. On est soit musulman, soit mécréant. Par contre, concernant le fait de donner le statut de mécréant, c'est-à-dire affirmer qu'il mérite le châtiment, il est important de connaître et de faire la différence entre le nom d'associateur et le statut de mécréant. Les savants ont expliqué que celui qui n'a pas reçu la preuve, le Coran, et qu'il donne un égal à Allah subhanahu wa ta'ala, n'est pas mécréant, mais associateur. Et dès que la preuve lui est établie, il devient mécréant s'il ne se repent pas de son shirk. Les savants ont donné le statut de mécréant à celui qui mérite le châtiment, car il a reçu la preuve et s'en est détourné. Pour cela, ils se sont basés sur le verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Et nous n'avons jamais puni un peuple avant de lui avoir envoyé un messager. » Sourate 17, verset 15. D'autres savants de cette communauté ont divergé à ce sujet, en expliquant que toute personne qui donne un égal à Allah subhanahu wa ta'ala est mécréant, même si aucun livre ou messager ne lui est parvenu. La preuve apportée pour justifier cela est le verset suivant. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur ? » Ils répondirent « Mais si, nous en témoignons. » Afin que vous ne disiez point au jour de la résurrection, vraiment nous n'y avons pas fait attention. Ou que vous auriez dit tout simplement, nos ancêtres autrefois donnaient des associés à Allah, et nous sommes leurs descendants après eux. Vas-tu nous détruire pour ce qu'ont fait les imposteurs? Et c'est ainsi que nous expliquons intelligemment les signes, peut-être reviendront-ils. Sourate 7, versets 172 à 174. Les êtres humains ont fait un pacte clair et bien détaillé avec le Seigneur de l'univers qui consistait à l'adorer, à ne pas lui donner d'associés, et à ne point faire d'anthropomorphisme. La descendance d'Iblis, le maudit, les a égarés de leur religion, sauf des croyants serviteurs d'Allah, ceux qui s'accrochent à l'anse la plus solide. Donc, chez les savants, il y a divergence, khilaf, sur le châtiment de celui qui n'a pas reçu la preuve, le Coran. Une partie des savants ont dit que celui qui n'a pas du tout entendu parler du Coran et a donné un égal à Allah aura un test dans l'au-delà, car Allah ne châtie pas un peuple sans l'avoir averti. Et d'autres ont dit que toute personne a déjà reçu la hujja, la preuve, et ne sera pas pardonnée, car le fils d'Adam a témoigné contre lui-même. Voici un exemple et un ensemble de paroles de savants de notre communauté qui expliquent ce sujet. Mohammed ibn Abdul Wahhab a dit « Et ce genre de mushrikoun et ceux de leur genre qui adorent les saints et les vertueux, nous jugeons qu'ils sont mushrikoun et nous sommes d'avis qu'ils sont mécréants, qu'après que la preuve leur soit établie. » Source Dorar al-Saniya, volume 1, page 522. Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab juge donc mushrikoun avant que la hujja ne soit établie, mais ne leur donne le statut de mécréant qu'après Ikamat al-Hujja. Ahmed ibn Nasir dit dans Dorar al-Saniya, volume 10, page 136-137, question. Il nous est apparu de votre réponse que celui qui croit en Allah et à son messager, et qui dit ou fait une chose qui consiste en une mécréance en l'ignorant, vous ne lui donnez pas le statut du mécréant tant que la preuve ne lui a pas été établie. Réponse. Nous disons, lorsque quelqu'un commet de la mécréance ou de l'idolâtrie par ignorance, sans personne pour l'en prévenir, alors nous ne lui donnons pas le statut de mécréant tant que la preuve ne lui a pas été établie. Cependant, nous ne lui donnons pas non plus le statut du musulman, mais nous affirmons que ces agissements sont mécréances, désacralisant le sang et les biens. Et même si nous ne donnons pas à cette personne le statut du mécréant du fait que la preuve ne lui a pas été établie, il ne faut pas dire pour autant que si on ne lui donne pas le statut du mécréant, alors c'est un musulman. Shir Abdel Latif ibn Abdelrahman al-Shir dit dans Minhaj Tahsis, page 99, alors qu'Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, fut catégorique sur la mécréance de ceux qui suivent aveuglément leur maître dans des thèmes impies, alors qu'ils sont capables de rechercher la vérité, de la connaître, et qu'ils sont aptes à le faire, mais s'en détournent et n'y prêtent pas attention, quant à ceux qui n'en sont pas capables et qui ne sont pas aptes à connaître ce qu'ont enseigné les messagers, alors il est selon lui du genre des gens de la Fatha, à qui le message d'aucun messager n'est parvenu. Mais aucune de ces deux catégories ne sera jugée musulmane et ne sera pas nommée musulmane, même selon l'avis de ceux qui ne leur donnent pas le statut de mécréant. Et nous te montrerons quelques-unes de ces paroles par la suite. Mais pour ce qui est du shirk, il le mérite et prend son nom. Et quel islam reste-t-il malgré l'invalidation de sa base même ? Ibn Taymiyyah dit dans Majmu' Fatawa volume 20, page 38, le nom d'idolâtre est affirmé même lorsqu'aucun message n'est encore parvenu, car il donne des associés à son Seigneur et s'en détourne, et il croit en d'autres divinités qu'il met en concurrence avec Allah, bien qu'aucun prophète ne lui soit parvenu, mais ses noms lui sont affirmés, tout comme les noms paganisme et païen. On dit d'une personne qu'elle est païenne même si aucun messager ne lui est parvenu, mais par contre il n'y a pas de châtiment. Nous tenons à rajouter et à préciser que personne aujourd'hui n'a d'excuses, car la preuve est établie à tous concernant le fondement de la religion, As-Saldin. Toute personne qui a entendu parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de l'islam et du Coran, et n'a pas adhéré à l'islam est un mécréant qui mérite le châtiment, car la hujja lui a été établie. Abu Huraira a rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je jure par celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main que quiconque de cette umma, qu'il soit chrétien ou juif, qui a entendu parler de moi et meurt sans croire au message par lequel je suis envoyé, sera parmi les gens de l'enfer. Rapporté par Muslim dans son Sahih Hadith 240. Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, a dit dans Durar al-Saniyah, volume 10, page 93-94, à l'attention des deux frères, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Après quoi, la parole du shirk que vous avez mentionné, que quiconque renie telle ou telle chose, et que la preuve lui soit établie, puis maintenant vous doutez au sujet de cet awarit, est-ce que la preuve l'aura été établie? Ceci est très étonnant. Comment doutez-vous de ça, alors que je vous ai déjà expliqué cela de nombreuses fois? Celui à qui la preuve n'a pas été établie est celui qui vient de se convertir à l'islam, ou qui vit dans un désert lointain, ou alors lorsque c'est dans des sujets complexes ou ambigus, comme certains genres de sorcellerie. Celui-là n'est mécréant qu'après explication. Mais en ce qui concerne les fondements et règlements de la religion qu'Allah a explicitement expliqué dans son livre, alors le Coran est la preuve, et celui que le Coran atteint a reçu la preuve. Mais la base même du problème, c'est que vous ne comprenez pas la différence entre l'établissement de la preuve et la compréhension de la preuve. En effet, la majorité des mécréants et des hypocrites parmi les soi-disant musulmans n'ont pas compris la preuve d'Allah, malgré qu'elle soit établie sur eux comme Allah le dit. Penses-tu que la plupart d'entre eux entendent ou comprennent? Mais ils sont comme des bêtes, et plus égarés encore. Sourate 25, verset 44. L'établissement de la preuve et sa transmission est une chose, et elle est établie, mais la comprendre est une autre chose. Ils sont devenus mécréants dès que la preuve leur est parvenue, même s'ils ne l'ont pas comprise. Fin de citation. Beaucoup de personnes ignorent le fondement de l'islam, critiquent le désaveu, et disent que nous appliquons le tekfir de statut sur des personnes sans leur avoir expliqué la preuve, le hujja. Sachez que l'explication de la preuve est en aucun cas une condition pour donner le statut de mécréant à une personne précise dans les sujets concernant le fondement de la religion. Toute personne à qui le Coran est parvenu a reçu la preuve, et sa compréhension est une autre chose. Ils deviennent mécréants dès que la preuve leur est parvenue, même s'ils ne l'ont pas comprise. Il en est ainsi concernant As-Saldin. L'explication de la preuve concerne les sujets ambigus qui ne font pas partie du fondement. Les fondements de l'islam sont clairs et il n'y a pas besoin d'explication de la preuve avant de rendre mécréant l'individu, comme le précise le shir, rahimallah. Mais en ce qui concerne les fondements et règlements de la religion qu'Allah a explicitement expliqué dans son livre, alors le Coran est la preuve, et celui que le Coran atteint a reçu la preuve. L'établissement de la preuve et sa transmission est une chose, et elle est établie, mais la comprendre est une autre chose. Ils sont devenus mécréants dès que la preuve leur est parvenue, même s'ils ne l'ont pas comprise. Nous pouvons donc dire qu'aujourd'hui, aucune personne n'a d'excuses, et que la preuve concernant Al-Kufl Bil-Tarut et Al-Imanu Billah a été établie, car la parole d'Allah est connue de tous. Et Allahu A'lam.